firmament clair. Il faut que le cœur le plus triste cède à l'immense joie éparse dans l'air. Et depuis un an, le printemps dans l'âme et le vert retour du doux floréal, ainsi qu'une flamme entoure une flamme. Que vienne ton corps l'autre.